chérie, maman bouta, obomi, na banzela, na baby sita ngonanga na kifiansai, na kangalo pango ko banambu na sambo, c'est fini. Basi mingi balinga kangana boya. Chérie, maman Bouta, doucement, Toyo Kana, aussi d'ici que la sienne a pas moyen d'anga, balélinga avance na ba spirita, batioli toyo bala garçon ya quartier, trahison. Yeba tanele o kofuta maman. Chérie, maman Bouta, la nuit porte conseil. Na la bouki na tonga, na changé mon thème. Na kiti si mon ganga na boy matata. Na boy kompo ya sena mon thème, mon koba problème. Jalousie avalo kole lo bakwami. Oh chérie, maman Bouta, Nazuki, Talamakila, Naboy Neko, Matissa, Mongonanga, Kanananga, Yako, Silika, Mamana, Bomba, Batekina, Kakana, Mota, Pembeni, Nanga, Taizon. Yaka, Oyeba, Ome, Minga, Mwelombe, Toyemba, Yona, Banze, Monga, Nolomide, To Silisa, Ba, Chame, Naba, Melodi. Singa guitare katana na ba milliers ya chanson. Naleli, naleli, ole loko mole kibongisa kampema. Mokuwa ya mole opika kana mamu. Na moiko mona ngana butundo tonga. Lala kalito inaliso moko kofungwana. Pika, pika, pika. Bongisa limbanda ya libanda poto sukuma. Mwanango, tosukuma, barakini,